et dans ma maison. Ils en pensent beaucoup. Heure de jouer dans la cible comme leur manodou. J'suis dans la birine. Un rinçage contre une boîte d'aspirine. T'es ma comme on est rally. J'suis dans Punta Fuck Dab, j'dérape comme un rally. A personne on s'allie. Moi j'aime que mon lobby. Et pas la tête, c'est pas la peine. Oh, plus une tête, j'suis pas la tête, touche pas la play. Putain, j'aime trop mon lobby. J'peux mourir pour mon lobby. Et pas la tête, c'est pas la peine. Oh, plus une tête, j'suis pas la tête, touche pas la play. Putain, j'aime trop mon lobby. J'peux mourir pour mon lobby.